Patrimoine en lumière, chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patrimoine en lumière, votre rendez-vous consacré à l'art et l'histoire et aussi au trésor d'Amboise. Première émission de la rentrée et nous avons cette chance, cet honneur, ce privilège d'être accompagnés par celui qui connaît notre ville sur le bout des doigts. Il s'agit de Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville d'Amboise. Bonjour Guillaume. Bonjour Marlène. Alors Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un temps fort incontournable, c'est les journées européennes du patrimoine. Un moment qui attire chaque année beaucoup de curieux, passionnés d'histoire, des habitants comme des visiteurs. Alors, avant d'entrer dans le détail de la programmation que vous allez nous dérouler, est-ce qu'il y avait un thème national retenu cette année pour ces journées du patrimoine ? Oui, tout à fait. Comme tous les ans, il y a un thème. Alors cette année, c'est un thème qui n'est pas très original, c'est le patrimoine architectural, ce qui permet à tous les événements finalement de correspondre au thème. Donc je vais vous parler de cette programmation sur Amboise. Concrètement, quels sont les grands rendez-vous que vous nous proposez ? Alors, il y a d'une part la programmation de la ville et d'autre part les monuments privés qui sont ouverts comme le reste de l'année. Bon, je vais commencer avec le programme que je connais le mieux, c'est celui du service patrimoine de la ville d'Amboise. Et tout d'abord, le musée d'art et d'histoire d'Amboise. Donc, il sera ouvert, comme toute l'année, gratuitement, aux horaires habituels donc, du week-end, donc de 10h à midi, de 14h à 18h30. Mais en parallèle de cette ouverture, il y aura également une visite guidée thématique en lien avec le thème de cette année pour les Journées du patrimoine. Donc ça va être une visite sur l'architecture de l'hôtel Morin. Visite proposée par vos soins ? Tout à fait. Très bien. Je vous le recommande pour l'avoir fait. C'est toujours bien de faire la visite en ayant un œil aguerri qui vous explique vraiment tout ce qui fait partie des belles pièces à observer. Alors là, justement, ce serait une visite un peu moins axée sur les collections du musée, mais plus sur l'histoire du bâtiment. Donc on en a déjà parlé lors d'une précédente chronique. Et donc l'évolution architecturale, les restaurations de l'hôtel Morin depuis sa construction au début du XVIe siècle. Prévoyez du temps devant vous, hein, parce qu'il en a vécu, cet hôtel Morin, plein d'étapes. Ce sera une visite d'une petite heure, parce qu'en fait je vais faire beaucoup de visites sur le week-end. Donc cette visite, elle aura lieu 3 fois par jour, à 11h, 14h et 17h. C'est gratuit et sans réservation, donc vous venez au musée juste avant la visite. Un deuxième monument, alors là c'est une ouverture exceptionnelle, c'est la tour de l'horloge. Depuis quelques semaines déjà, la tour de l'horloge est accessible au public lorsqu'il y a des expositions. Donc les artistes peuvent louer la tour de l'horloge pour y exposer leurs œuvres. Mais là ça va être une ouverture dans le cadre d'une visite guidée de l'intégralité de la tour de l'horloge. Donc c'est également gratuit, mais avec réservation le jour même au musée d'art et d'histoire d'Amboise. Donc vous pouvez venir le matin au musée pour vous inscrire à une des 3 visites de la journée. Donc là, les visites sont à 10h, midi et 16h. D'accord. Donc c'est des visites d'une grosse demi-heure. On commence en bas de la tour avec la présentation de ses origines au XIIIe siècle, lorsque c'était une porte fortifiée de la ville d'Amboise. Et on termine dans la charpente avec une très belle vue sur la chapelle Saint-Hubert notamment. Une visite en petite jauge, donc il faut venir le matin pour vous inscrire. C'est noté. Alors, je continue avec la programmation municipale, même si c'est à charger, il s'agit des archives municipales. Les archives municipales d'Amboise qui sont à la Boitardière sur la commune de Chargé, mais c'est bien les archives municipales d'Amboise. Alors là aussi, vous allez pouvoir découvrir un lieu qui n'est pas ouvert en temps normal, ce sont les magasins d'archives. Et donc Christelle Marie, la responsable des archives, va proposer une visite guidée thématique sur comment étudier le patrimoine architectural amboisien à partir des archives. Donc on s'est là aussi raccroché au thème national, mais ça permet de voir ces lieux et ces archives qui ne sont pas présentées au public en temps normal, même si vous pouvez tout à fait venir aux archives, découvrir les archives quand vous le voulez. Cette visite, elle a lieu 2 fois par jour l'après-midi, donc le samedi et le dimanche, à 14h30 et à 16h30. Donc la réservation est plutôt conseillée. Vous pouvez envoyer un mail à archives@ville-amboise.fr ou contacter le service au 02 47 23 47 76 pour ces 4 visites du week-end. Ce n'est pas l'unique chose à voir aux archives municipales. Nous avons également ressorti l'exposition qui avait été organisée l'année dernière sur l'architecture du Théâtre Beaumarchais. Oui. Donc là aussi, ça tombe bien avec le thème national. Donc, pendant les heures d'ouverture des archives municipales, donc de 14h à 18h30, vous allez pouvoir redécouvrir cette exposition sur l'architecture du Théâtre Beaumarchais, donc cet équipement culturel emblématique des années 60. Que vous aviez présenté à un groupe d'enfants de Rabelais-Richelieu, une classe de CM1, à l'occasion d'un podcast qui était diffusé sur Radioactive. Voilà, c'est très intéressant. Et alors, les archives municipales, elles ont une actu aussi, c'est le site internet. Voilà, donc depuis quelques jours, le site internet des archives est en ligne. Vous pouvez découvrir de très nombreux, des centaines, de, voire même des milliers de documents numérisés, des cartes postales, des plans anciens, toutes sortes d'archives. Donc le site, c'est très simple, c'est archives.ville-amboise.fr. Vous pouvez retrouver le lien sur le site internet ou l'application de la ville. Ouais, sur la page Facebook de la ville aussi, on le trouve. Donc vous pouvez vous promener sur le site, il y a plein de choses à découvrir. Et puis, ça, en plus, c'est, excusez-moi Guillaume, mais ça peut être tout à fait familial comme sortie, ça. Ça peut être très intéressant de venir en famille avec ses enfants, ça peut intéresser les plus jeunes. Oui, oui, bah, toutes les visites sont pour tous les publics finalement. Donc, oui, c'est vrai. C'est pas une visite pour les enfants, mais les enfants peuvent tout à fait suivre la visite. Et généralement, les enfants, effectivement, aiment bien découvrir les documents d'archives ou les lieux dans lesquels ils n'ont pas le droit d'entrer en temps normal. C'est toujours une visite intéressante. Et puis, Christelle Marie est passionnante, a toujours énormément de choses à dire. Donc, il y a de quoi s'occuper pour l'après-midi aux archives municipales. Alors, il y aura aussi un document exceptionnel à découvrir ce week-end-là. C'est une charte d'Henri II que nous allons récupérer très prochainement. Alors, en fait, c'est une charte de privilèges accordée par Henri II à la ville d'Amboise en 1553, qui devait passer en vente publique au début de l'été. Et que la ville d'Amboise a revendiqué en tant qu'archive publique. Donc la réglementation sur les archives est très stricte. Ça ne se vend pas. Voilà, donc dans le code du patrimoine, ce document d'archives, en fait, puisqu'il était donné à la ville d'Amboise, devait être en fait dans les archives conservées par les archives municipales de la ville d'Amboise et a dû en être extrait à un moment, peut-être il y a plusieurs siècles en fait, ça peut être avant la Révolution. Mais en fait, pour l'éternité, ça reste une archive publique, donc c'est interdit de vendre une archive publique, et donc on a pu revendiquer cette pièce d'archive. Et dans cette charte, quel type de privilèges sont évoqués pour la ville d'Amboise ? Alors c'est des privilèges financiers qui sont renouvelés en fait par tous les rois de France. Donc, voilà, les bourgeois donc, qui gèrent la ville d'Amboise réussissent à obtenir des privilèges financiers du roi. Et donc cette pièce d'archive, vous allez pouvoir la découvrir aux archives municipales pendant les journées du patrimoine. Génial. Donc plein de choses à voir intéressantes. Voilà. Il y a également une exposition au garage qui se termine pour les journées du patrimoine. Donc si vous n'avez pas encore découvert l'exposition Vita Contemplativa, ce sera le dernier week-end pour la visiter. On sort un petit peu du patrimoine et du patrimoine architectural, mais c'est toujours quelque chose à faire à Amboise pendant ce week-end. Je passe maintenant au monument privé. Alors, on sait que les visiteurs aux journées du patrimoine s'attendent à visiter des sites gratuitement. Mais faut savoir que ce n'est pas une obligation, donc les sites privés n'ont pas à être gratuits pour les journées du patrimoine. Et d'ailleurs, à Amboise, les sites privés restent payants ou peuvent proposer des réductions. Donc voilà, on sait qu'il y a souvent des déçus parce que les gens pensent que tout est gratuit aux journées du patrimoine. C'est pas le cas. Donc les sites privés, le château, la pagode, château Gaillard et le Clos Lucé sont ouverts et ne sont pas gratuits. Mais ils proposent des petits événements en lien avec ce week-end. Par exemple, au château, vous avez... une visite guidée sur l'histoire des jardins du château royal d'Amboise, le matin à 11h, le samedi et le dimanche. À 15h, toujours au château, une visite guidée sur l'architecture et les curiosités architecturales du château royal d'Amboise. Au Clos Lucé, une visite guidée à deux voies, balade au vert, avec le chef jardinier du Clos Lucé et la guide conférencière Élise Petit. C'est à 11h45 à 15h, le samedi et le dimanche. Donc voilà, il y a plein d'événements. De même, à la pagode, vous aurez des visites guidées et la dédicace du livre sur Chanteloup par Monsieur André. Donc il y a plein d'événements auxquels participer à Amboise pendant les journées du patrimoine. Pagode de Chanteloup, qui est aussi à redécouvrir en 3D au Musée d'art et d'histoire d'Amboise, Guillaume. Voilà, depuis quelques semaines, il y a une reconstitution en 3D du château et de la pagode tels qu'ils étaient à l'époque du duc de Choiseul. Donc pour compléter la visite de la pagode, vous pouvez venir au musée et inversement. Donc là, on est à Amboise, dans les monuments publics et privés d'Amboise. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se dérouler autour également ? Alors oui, il y a énormément d'événements tout autour d'Amboise. J'ai deux suggestions à vous faire, mais sinon vous pourrez parcourir le programme soit sur le site des Journées du Patrimoine, vous avez la carte interactive, donc vous pouvez regarder ce qu'il y a autour de vous. Et sinon, le Pays Loire-Touraine édite chaque année le programme des Journées du Patrimoine sur le territoire. Donc j'ai juste deux exemples d'événements hors d'Amboise. Un premier pour les enfants, puisque effectivement, on l'a dit, les visites sont tout publiques, mais il n'y a pas d'événement à proprement parler pour les enfants. À Nazel, il y a une chasse au trésor à la bibliothèque municipale. Super. Le samedi, matin et après-midi, un questionnaire pour les enfants pour découvrir le patrimoine de la commune. Et quelque chose de très original proposé par le Pays de Loire-Touraine à Souvigny-de-Touraine, une visite surprise. Mmh. Donc là, si vous n'avez pas d'idée que la programmation est trop riche et que vous ne savez pas quoi choisir, ben ne choisissez pas, allez au hasard. À la visite surprise, dont on ne sait que le lieu finalement. C'est ça. On ne sait pas ce qu'on y verra. Voilà, donc vous avez rendez-vous devant l'église de Souvigny-de-Touraine le samedi à 11h et à 14h30. Il faut que vous veniez en voiture, puisque vous en aurez besoin pour rejoindre le lieu de la visite surprise. Mmh, d'accord. C'est gratuit, donc vous pouvez trouver les informations soit sur le site des Journées du Patrimoine, soit sur la plaquette du Pays Loire-Touraine. Ah oui, donc quand je disais dont on ne connaît que le lieu, mais même pas, c'est-à-dire que c'est un point de rendez-vous, après on ne sait pas où on va. Voilà, on peut supposer que c'est autour de Souvigny-de-Touraine, mais peut-être que les pistes ont été faussées par le Pays Loire-Touraine. C'est un petit peu la rave partie du patrimoine, on ne sait pas où on va. On se suit en voiture, on ne sait pas où on va. C'est une chouette idée. Bon, en tout cas, un programme très riche, hein, qui est proposé à la fois par la ville d'Amboise, mais aussi par le Pays Loire-Touraine, et puis aussi par les propriétaires privés qui ouvrent les lieux, même si, comme vous le soulignez, tout n'est pas gratuit, mais c'est un moyen de soutenir le patrimoine. Guillaume, quel est selon vous l'événement ou le site qu'il ne faut surtout pas manquer sur cette édition 2025 des Journées européennes du patrimoine ? Alors évidemment, ça va être les lieux qui ne sont pas ouverts au public en temps normal. Donc je vous conseillerais plutôt la Tour de l'Horloge, puisque du fait de la jauge, déjà, c'est compliqué d'organiser des visites. La charpente ne peut pas être ouverte en temps normal, donc c'est l'occasion d'aller découvrir le monument et la vue dont vous pouvez bénéficier depuis le sommet de la tour. Eh ben, très bien, merci beaucoup Guillaume pour ce chouette programme que vous nous avez annoncé et puis votre enthousiasme à nous transmettre toutes ces informations sur l'histoire et le patrimoine d'Amboise. On le rappelle, les Journées européennes du patrimoine, ce sera les 20 et 21 septembre et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Absolument. Rendez-vous donc dans nos rues, nos musées et nos monuments pour découvrir, voire redécouvrir Amboise autrement. C'était donc Patrimoine en Lumière, votre chronique sur l'art et l'histoire de la ville. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle plongée dans le patrimoine amboisien. Merci Guillaume. Merci, à bientôt. Patrimoine en Lumière. Chronique sur l'art et l'histoire d'Amboise avec Guillaume Métayer, responsable du patrimoine de la ville.